J'entre dans une agglomération. Je suis sur la départementale 471 et cette rue garde son caractère prioritaire. Ce panneau limite la vitesse des véhicules de transport de marchandises à 40 km/h. Je ne suis pas concerné directement par celui-ci. Je peux donc rouler à 50 km/h maximum. Bien sûr, je peux rouler moins vite si ça me semble nécessaire. Réponse A et B.